people. Pour tous les frères et les sœurs dans la place là. Vraiment tous les frères et les sœurs. J'aimerais vous voir mettre le feu sur Babylone avec moi. Ce wicked system. Alors j'espère que tout le monde est paré. Ouais man, on met le feu. J'aimerais vous voir crier avec moi. Fire Babylone, avec moi. Fire, fire Babylone, fire Babylone, fire Babylone. Je veux entendre tout le monde crier. Fire Babylone, fire Babylone, fire Babylone. Je veux entendre tout le monde crier. Fire Babylone, fire Babylone, fire Babylone. Je veux entendre tout le monde crier. Fire Babylone, fire Babylone, fire Babylone, fire. Babylone t'es fire pour moi, t'existes pas, ça fait longtemps que jugement final sur toi est fait ma foi. Tous ceux que tu entraînes avec toi sont innocents, tu sais ça, toi seul Babylone crée tout le mal ici là. Les enfants grandissent puis apprennent à mourir pour toi, pas tant de s'aimer, de s'écouter, ça t'arrange à ce que je vois. Tu sais que quand même enchaîné à nos peines on te voit, ta machine à tuer va s'arrêter, stop, y'a plus de choix. Fire Babylone, fire Babylone, fire Babylone. Je veux entendre tout le monde crier. Fire Babylone, fire Babylone, fire Babylone. Je veux entendre tout le monde crier. Fire Babylone, fire Babylone. Je veux entendre tout le monde crier. Fire Babylone, fire Babylone, fire Babylone, fire, fire. Tous ces stratagèmes contre moi, vas-y attaque-moi. Même si c'est pas moi, d'autres te démasqueront après moi. Emploie les armes, enrichis Satan et ses gars. Mais en ces temps de révélation, la fin est venue pour toi. Dieu et ses serviteurs forment une grande famille. Tu ne le savais pas, t'as voulu les diviser, ça va barder pour toi. Tout le monde est au courant et surtout Jah est là. De bien des feux sont sortis ses enfants, le dernier est pour toi. Hey, pour mettre le feu dans Babylone, on crie fire. Pour mettre le feu à Babylone, on crie fire. Pour mettre le feu dans Babylone, on crie fire. Pour mettre le feu à Babylone, tout le monde crie fire. Pour mettre le feu dans Babylone, on crie fire. Pour mettre le feu à Babylone, on crie fire. Pour mettre le feu dans Babylone, tout le monde crie fire. Tout le monde crie fire. Notre père loin dans la fosse, tu veux nous voir tomber. Ton plan sévice ne mène à rien qu'à ta fin à sonner. Sans raison tu voles et nous assassines. J'hallucine, tu sous-estimes nos racines. Tu crois que ton mal s'enracine. Mais du bas fond les gens s'écrient et leurs âmes s'élèvent. Un créateur sauveur et pardonneur qui nous relève. Ton objectif n'est que malheur, beaucoup n'écoutent pas leur cœur. Mais le temps est venu, une seule crainte, celle du Seigneur. Tout le monde dit Alléluia my people, c'est tout le monde crie Alléluia my people, Alléluia my people, c'est tout le monde. Alléluia. Et maintenant je vois tout le monde. Fire Babylone, fire Babylone, fire Babylone. Je veux entendre tout le monde crier. Fire Babylone, fire Babylone, fire Babylone. Je veux entendre tout le monde crier. Fire Babylone, fire Babylone, fire Babylone. Je veux entendre tout le monde crier. Fire Babylone, fire Babylone, fire Babylone.